esta mulher nunca manda chegantes! Descarrega a função é esta que para nos sinais vermelhos! Somos o capitão e a segurança dos civis! Não podemos ir por aí a abrir a toda a mecha! E se ligássemos as sirenes das autometralhadoras? Opa, também não parece lá muito discreto. Porquê? Achas que assim somos discretos? Beaucoup de Portugais, quand ils ont entendu qu'il y avait un coup d'État, parce que là, au milieu de la nuit, un des premiers objectifs des militaires, c'est de prendre les radios et les télévisions, ouais, pour être sûr que, d'avoir le contrôle des ondes, de la communication, ouais, et pour la retirer au gouvernement. Ouais. Les premiers communiqués, c'est un mouvement militaire est dans la rue, ne sortez pas de chez vous, ouais, et on vous tient en courant. Ouais. Et c'est que dans la matinée qu'il est clair que c'est un coup d'État démocratique ou de gauche. Ouais. Parce que beaucoup craignaient ou pensaient que c'était un coup d'extrême droite. Oui, oui. Parce qu'on est quelques semaines après, quelques mois après le Chili, et que il y avait déjà eu le bruit, et ça courait le bruit d'une tentative de l'extrême droite de prendre le pouvoir. Et surtout, ce qui va marquer, et ce qui va faire la différence, et chose que les militaires n'avaient pas du tout prévu, et Cotelo n'avait pas du tout prévu, c'est que très vite, dès la matinée, le peuple, dans la rue, prend fait et cause pour les insurgés. Então o que é que deseja então assim, para este Portugal novo? Digamos hoje que é o primeiro dia do resto da sua vida. Desejo uma sociedade mais justa, sem aparelhos repressivos, sem polícia. E que a felicidade de todos seja a felicidade de cada um. Après 25 avril, la police cesse d'agir, parce qu'elle est traitée de fasciste. Ouais. Donc la police n'a plus aucune légitimité. Ouais. Les militaires considèrent qu'il faut quand même un minimum d'ordre. Et donc, on crée une sorte de police militaire qui s'appelle le COPCON. Ouais. Et Spinola, il est Spinola encore au pouvoir, pensant que Othello est un de ses hommes, fait nommer Othello à la tête de cette police militaire. Et Othello, très vite, va prendre son autonomie la plus complète vis-à-vis de Spinola. Et le COPCON va non pas devenir une police qui réprime les mouvements sociaux, mais souvent qui les soutient. Ouais. Et donc va être considéré par notamment les classes sociales qui vivent en ville et qui sont en quête de meilleurs logements, comme la police qui peuvent les aider à occuper, ouais, des logements pour créer des crèches ou pour loger des habitants des bidonvilles. Et Othello va être considéré comme le chantre du pouvoir populaire qui soutient les expériences de comités de quartier, voilà, de comités de travailleurs, etc. Et on vient d'entendre Victor Pereira qui a écrit « C'est le peuple qui commande la révolution des œillets ». De 1974 à 1976. Pour vaincre, pour soulever les masses, il faut autre chose que ces jeux ridicules. Oh, écoute, Adriana, tu crois vraiment qu'on va finir par gagner? Qu'on va conquérir le pouvoir? Que l'Italie va devenir une république socialiste? Nous, on peut se révolter? On peut tirer, tuer et mourir? Tuer autant de fascistes que possible? Che Guevara est notre héros et on finira comme lui. C'est comme ça. Et peut-être qu'on mourra en attaquant la prison d'Azinara. Quelle belle mort ce sera. Ah, écoute, laisse tomber. Mais toi, tu veux pas vaincre? Toi, tu veux mourir en héros, comme dans la horde sauvage, après un beau carnage de fascistes. Tu viens à peine de le dire. Oui. Et le plus tard possible, j'espère. Oui, des héros perdants. On est des héros perdants, j'en suis convaincu. Alors la révolution ne gagnera jamais. Je veux te l'entendre dire. Je crois pas, en effet. Ma vraie passion, c'est pas la révolution. Ni la dictature du prolétariat, ni les masses, c'est transgresser. Me rebeller contre les ordres. Désobéir. J'ai jamais pu supporter ceux qui commandent. Ceux qui se prennent trop au sérieux. Connard de merde. J'ai abandonné ma fille, moi, pour la révolution. Il y a un an, je me suis fait avorter justement parce que toi, tu m'avais persuadé qu'on devait se battre en renonçant à tout, en se donnant corps et âme. Que rien d'autre ne comptait à part la victoire de la révolution prolétarienne. Et là, t'es en train de me dire que maintenant, toi, t'y crois plus. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Si, tu l'as dit, tu l'as dit. Tu l'as dit. Non, j'ai dit qu'un brigadiste devait savoir renoncer à sa vie privée. J'en suis convaincu, s'il a choisi la lutte armée. T'y as jamais cru, et t'as massacré sans y croire 5 pauvres pères de famille. Tu peux pas mettre en doute le fait que je sois prêt à donner ma vie. Tu cherches à me mettre en colère. Moi, je ne crois pas à une Italie socialiste sans capitaliste. Mon imagination va pas si loin. et je ne suis pas un visionnaire. Micro allez, zboom. Ouvert. En face de moi, Nelly Jazra. Enchantée, Nelly. Enchantée. Alors, j'explique pourquoi on se rend compte. C'est le 50e anniversaire de la révolution des œillets, ça s'appelle comme ça. Et on met des œillets, à œillets, on met une majuscule. Et c'est le 50e anniversaire et j'avais fait un petit peu de la recherche comme ça et je suis tombée sur une exposition que je n'ai pas vue et puis on m'a conseillé de vous rencontrer donc voilà on se rencontre ici. Oh mais ça c'est parfait. Ah ben on le voit pas hein, parce que c'est de la radio mais Nelly vient de m'offrir un œillet. Il est beau. Un œillet rouge. Ouais. Et alors on peut commencer comme ça donc Nelly je tutoie facilement moi hein, avec tout le respect. Une petite présentation de où tu nous parles, qui tu es un peu. Je m'appelle Nelly Jazra Bandara, pour ceux qui me connaissent sous le nom portugais. Et on est au centre Elsenhof, où il y a eu une exposition il y a quelque temps, le 25 avril, la révolution des œillets. Et cette exposition retraçait un peu la situation du Portugal avant la Révolution et ce qui s'est passé au moment de la Révolution et quels sont les acquis révolutionnaires qui ont été apportés à ce moment-là. Comment ça a évolué du point de vue de la société surtout. De la société portugaise. Portugaise, oui. Parce que ce que je trouve intéressant... Il y a un volet liberté. Hein, j'ai pas entendu. Il y a un volet liberté. Donc les gens sont devenus libres. Libre de s'exprimer, libre d'écrire, libre de circuler dans la rue sans qu'on les espionne et sans qu'on les attende au coin de la rue, et libre de... De consommer, j'ai envie de dire en provoque, aujourd'hui. Oui, après, c'est venu après la consommation, mais enfin, il faut en avoir les moyens, et les salaires n'ont pas évolué très rapidement, mais ils ont quand même bien évolué, hein, parce qu'après la Révolution, aussi, on a augmenté les salaires. Ah ouais, ouais. On a augmenté les salaires, on a augmenté les pensions. Bien qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent, puisque les capitalistes de l'époque et les groupes économiques sont partis avec leur argent dans d'autres pays. Donc les caisses étaient vides et les banques, à l'époque, elles ont été nationalisées, mais une partie de l'argent était déjà partie des banques. Donc la situation n'était pas très brillante de ce point de vue, du point de vue économique. Mais les autres acquis, c'est par exemple pour les femmes, très important. Les femmes ont pu voter parce qu'avant, il fallait certaines conditions pour pouvoir voter. Du temps de Salazar et du fascisme, les femmes ne pouvaient pas voter. Les femmes, mais il n'y avait pas de vote, il n'y avait pas d'élection. Si, il y avait des élections qui étaient à 90% ou 99% en faveur de Salazar. Il y avait des élections. Sérieusement, il y avait des élections sous le fascisme pendant 40 ans. Et d'ailleurs, une des élections qui date de 1958, c'était l'opposant à Salazar, c'était le général Humberto Delgado. Et il s'est présenté, c'était un général, hein, et il s'est présenté au nom de l'opposition à Salazar. Et naturellement, il a perdu, mais il a dû s'enfuir après, sinon... Et il a été fini, ils ont fini par le tuer. Il s'est enfui en Espagne, puis en Algérie, il a fini par être tué en accord avec Salazar et Franco, qui était l'autre dictateur en Espagne. Oui, parce que voilà, on rentre tout de suite dans l'histoire là, avec un grand H, quoi. Mais donc, Antonio de Oliveira Salazar, 1932-1968, son pouvoir fasciste. 33-68, oui. On dit que c'est. Il était très malin, il a toujours été. Ministre, hein, premier ministre, enfin en quelque sorte premier ministre, et qui était en principe le chef de l'État, c'était le général Carmona, qui était une espèce de pantin aux mains de Salazar, qui ne représentait rien, mais lui, il était toujours à l'arrière-plan. C'était toujours un homme des couloirs, un homme des coulisses, un homme souterrain, un homme qui travaillait, lui et sa police politique, qui travaillait en dessous. Mais quoi, pourquoi tu dis ça, Nelly ? Ça veut dire quoi ? Je dis ça parce que c'est comme ça qu'il contrôlait tout. Et tout ce qui se passait et qu'il pouvait envoyer sa police arrêter telle personne et telle autre, etc. Donc il savait tout ce qui se passait, il avait des informateurs partout. Et c'était ça la forme de fascisme qui existait au Portugal. Oui, c'était pas, il se mettait pas dans la lumière, c'est ça. C'était plutôt quelqu'un qui enfin, c'était du fascisme, voilà. Mais il faisait les choses en cachette, quoi. C'était pas lui qu'on mettait à la lumière. Mais c'est bien lui qui a. À un certain moment. Mais après, petit à petit, il est monté plus dans la lumière, évidemment. Hein. Donc je rappelle, hein, comme ça, on retient. Donc le caractère, comment c'était le fascisme au Portugal. Parce qu'il faut bien comprendre comment c'était cette période obscure qui a duré 50 ans. D'où les gens sont sortis. 40 ? Hein ? C'est pas 40 ans ? Ben, oui, à peu près. Enfin, de 33 jusqu'en 74. Hein. Donc ça fait à peu près... faites le compte. Bon, ça fait à peu près, on dit 40 ans. Oui, effectivement, ça fait 40 ans. Mais en fait, c'était une période très longue. C'était deux, trois générations. Mais c'est la plus grande période de fascisme en Europe, non ? Oui. Et ça, pour comprendre l'explosion du 25 avril et comment les gens se sont exprimés et sont descendus dans la rue, il faut bien comprendre comment c'était avant. Oui, voilà. Enfin, Nelly, je sais que tu t'es présentée au début, mais moi, je m'occupe un peu de la technique et tout, là, mais tu t'es présentée comment ? Alors, je me présente comment... Bon, maintenant, je suis à la retraite, hein. J'ai travaillé à la Commission européenne pendant 16-17 ans. J'ai travaillé sur le développement rural et le développement régional, c'est-à-dire sur les zones les plus pauvres de l'Europe, qui recevaient des subventions de l'Union européenne. Et avant, j'étais professeure à l'université au Portugal, professeure d'économie agraire aussi. J'étais professeure, parce que ça. Et avant, j'étais en Algérie. Et donc c'est là où j'ai connu les Portugais et que j'ai connu les groupes de personnes qui étaient antifascistes et qui luttaient contre le fascisme au Portugal et qui étaient accueillis en Algérie par le gouvernement algérien, en particulier le Front de Libération Nationale. Ouais, ouais, ouais. Mais quoi, t'as quel âge là ? Parce que tu cites toutes les choses. Attends, parce que je finisse bien mes phrases pour parler, parce que. Oui, tu as cité toutes ces choses que tu viens de faire là, mais on ne sait pas très bien, tu avais quel âge en Algérie ? En Algérie, je suis partie, j'avais une vingtaine d'années, 21 ans. Ouais. Combien de temps t'es restée alors ? Je suis restée 7 ans. C'était le temps de Boumédienne jusqu'à 74, enfin 74, au moment de la Révolution, où je suis partie avec mon compagnon de l'époque. On est rentrés au Portugal. Après le 25 avril du coup ? C'est quelques jours après. Quelques jours après, parce que le temps de faire les bagages et de prendre l'avion pour arriver jusqu'au Portugal. Ouais. Et combien de temps tu restes là alors ? Je suis restée jusqu'en 89. Je suis nulle en maths. Enfin, à peu près 17 ans. À peu près 17 ans, quoi. Donc mais tu n'es pas portugaise ? Je ne suis pas d'origine portugaise, j'ai la nationalité portugaise, je suis d'origine libanaise. T'es née au Liban ? Je suis née au Liban, j'ai fait mes études au Liban et je suis partie, j'avais une vingtaine d'années. Waouh, ça fait plein de pays comme ça. Hein. Et puis après 17 ans au Portugal, tu vas où là ? Je viens à Bruxelles. Voilà, et je suis à Bruxelles maintenant, ça fait une trentaine d'années. D'accord. Ouais. Voilà, c'est riche tout ça, t'as sûrement plein de choses... Parce que tu viens de ton expérience là, tu parles de l'Europe, de la Commission européenne, du développement. Oui, mais je pense que ça peut être relié à la fin de cette révolution des œillets qu'on va discuter ici. Mais évidemment, on n'a pas le temps de tout développer. Mais parlons des grosses lignes. Par quoi tu commencerais ? Donc cette révolution, c'est. Je vais commencer par la guerre coloniale. parce que ça, ça a été à l'origine, vraiment à l'origine de la constitution, enfin de l'apparition de la révolution avec le mouvement des capitaines qui étaient des gens dans l'armée, des gens éduqués, universitaires, et qui se sont rendus compte qu'il fallait terminer la guerre coloniale. Tous les autres pays avaient déjà donné l'indépendance aux colonies, il ne restait plus que le Portugal, et qu'il fallait donner cette indépendance aux colonies et terminer de lutter contre les mouvements de libération nationale qui existaient dans les différents pays. Hein. Oui, alors Salazar, il voulait pas donner l'indépendance, comme on dit, entre guillemets, après je dis indépendance, entre guillemets, il voulait pas donner l'indépendance, il voulait aller jusqu'au bout. Moi je me suis aussi un petit peu renseignée, hein, du coup on peut discuter pour voir si ce que je dis, ce que j'ai lu... est juste... Oui, Salazar, il voulait pas lâcher, quoi. Et donc, les militaires deviennent de plus en plus mécontents aussi, parce qu'ils font une guerre où ils voient bien que ça mène nulle part, quoi. Il y a la guerre du Vietnam à cette époque-là, où les Américains ont... Ils ont signé en 73 ou 75. Qui ont signé ? Les Américains. La fin de la guerre du Vietnam. Oui, les Vietnamiens ont gagné. En Algérie, les Français, l'Algérie... quand je dis gagner, c'est une manière de parler. Hein. Quand je dis que c'est une manière de parler, non. C'est l'Algérie a gagné, le Vietnam a gagné, et c'était balèze, et c'était énorme. Mais ce que je veux dire, c'est aujourd'hui, quoi. Voilà, aujourd'hui, c'est pas un autre système économique, je parle, que celui dans lequel... on est tous dedans, quoi, là, vous voyez ce que je veux dire, voilà, c'est comme la Chine communiste, c'est plus compliqué que ça, hein, mais je veux dire, ils sont aussi dans ce capitalisme, voilà, il n'y a plus vraiment de... Comme s'il y avait plus d'autres manières de gérer une économie, quoi. C'était l'indépendance de l'Algérie, donc c'était aussi la fin d'une période très importante, puisque c'était un modèle colonial, la France. Le modèle colonial le plus perfectionné, disons, le mieux monté parmi tous les pays colonisateurs. Parce que du coup, les colonies du Portugal, c'est le Cap-Vert, la Guinée. Les portugaises les plus importantes, c'était l'Angola. Ça, c'était la plus importante, c'était un gros morceau. Et c'était un pays très, très riche. Suivez le Mozambique, de l'autre côté de l'Afrique, la Guinée, Guinée-Bissau, hein, et le Cap-Vert. Et puis après, il y avait d'autres petites îles, il y avait Timor, Saint-Thomé et Principe, etc. Mais disons, le gros, c'était Angola, Mozambique et Guinée. Et ces trois-là avaient des mouvements de libération qui étaient très, très actifs, puisque la guerre coloniale a débuté en 62, hein. Et petit à petit, ils se sont fortifiés, ils recevaient aussi les aides, ils recevaient des armes, etc. Ils devenaient de plus en plus forts. Et les pertes de l'armée portugaise, sans oublier les massacres qu'il y a eu, hein, des populations entières de villages qui ont été massacrés, les pertes dans l'armée étaient de plus en plus importantes. Et c'est pour ça que les capitaines de l'armée ne voulaient plus envoyer leurs soldats se faire tuer. Parce qu'ils savaient que s'ils les envoyaient dans certaines zones, c'était la mort, ou alors ils revenaient blessés. Ils ont commencé à constituer ce mouvement. Mouvement des forces armées. Mouvement des forces armées. MFA, on va dire. Voilà. Ils ont eu l'appui d'un général qui s'appelait Spinola, qui était un général éclairé, qui a aussi compris que... Vous l'appelez comme ça, éclairé, vous ? Par rapport à d'autres généraux de l'armée. Ah ouais, parce que comment s'appelle le monsieur qui vient présenter Victor Pereira. Voilà, je l'ai ici en fait, c'est Victor Pereira. Et donc moi, mes sources viennent... Donc Victor Pereira est le monsieur qui va venir ici faire une conférence, et je suis super emballée de le rencontrer parce qu'il a écrit un livre, c'est Le peuple qui commande, la révolution des œillets 1974-1976 aux éditions du Détour. Et lui, en fait, il dit dans son bouquin, que Spinola, c'est pas un éclairé, c'est plutôt un vieux monsieur qui était un chef haut gradé en Guinée, hein, qui a fait les colonies. Et lui, c'est pas du tout comme vous dites qu'il est éclairé, quoi. Il va s'arranger pour récupérer le pouvoir. Ben, ça va pas marcher, mais c'est un vieux, justement, un vieux qui a encore ses vieilles idées. Enfin voilà. Je vais préciser mon idée, c'est-à-dire c'était le général qui a compris qu'il fallait terminer la guerre coloniale. Et à ce moment-là, c'était important. C'est pour ça que je dis éclairé, c'est parce que il avait cette idée en tête. Il a écrit un livre qui n'a pas été censuré à l'époque, qui s'appelle Portugal et le futur, Portugal et o futuro. Tu l'as lu ? Oui, oui. Où il a expliqué, ça c'était avant la Révolution, hein, où il a expliqué son idée qu'il fallait terminer, enfin il l'a expliqué de façon très diplomatique, mais il a transmis le message. Salazar n'était plus là, c'était Marcelo Caetano qui a succédé à Salazar. Il voulait lui transmettre le message pour qu'il comprenne qu'il fallait terminer. Et donc, après le 25 avril, le mouvement... D'abord, Marcelo Caetano, il est parti. Quand il est parti, il a dit « Moi, je pars et on termine. » Mais essayons de ne pas rentrer trop dans le vif du sujet parce qu'on décroche. Mais disons qu'en effet, il y a les colonies, les militaires en ont marre. Ils demandent à Salazar, ils font comprendre qu'il faut que ça s'arrête les colonies parce que... Salazar, le successeur de Salazar. Salazar était déjà parti à ce moment-là. Ouais. Oui, mais je veux dire, la demande d'arrêter les colonies... Enfin, soit, oui, ok. Et c'est le mouvement, donc le MFA, le mouvement des forces armées, qui... Bon, d'abord, Spinola monte son coup d'État en mars et il échoue. Et il est démis de ses fonctions et il se retire. Et alors, le MFA prépare un autre coup d'État parce que maintenant, ils ont tiré les leçons du coup d'État de mars. Donc, ils préparent eux-mêmes... De mars. Mars 60. Spinola. De Spinola. Ouais, sinon, comme il, Spinola. Oui. Comme il avait échoué, donc ils ont fait l'analyse des raisons pour lesquelles il avait échoué et ça leur a permis de mieux préparer leur coup d'État. Quoi. Et c'est comme ça que... bon, maintenant, les détails, les gens les connaissent. Comment ils sont descendus là Non, ou bien les gens, si les gens ne connaissent pas, ils auront envie d'aller lire. Mais okay. Nous, on essaye de comprendre comment c'est possible une révolution qui se passe sans mort, sans d'habitude, on voit les foules, la masse qui doit courir parce qu'il y a des armes à feu. Là, il y a 4 personnes mortes par la police politique. C'est tout, quoi. Les choses se font dans le calme. Oui, c'est parce que, en fait, il y a eu 2 facteurs. Hein. D'abord, au sein de l'armée, c'est-à-dire quand le capitaine Salgueiro Maia est rentré dans Lisbonne et qu'il a été Praça do Comércio, c'est la place principale de Lisbonne, et qu'il a confronté la partie de l'armée qui était favorable au régime, les soldats ont refusé de tirer d'un côté et de l'autre. Ils ont refusé de tirer sur leurs camarades. Et le commandant de ce peloton, il a dit « Moi, je ne peux rien faire, je suis obligé de me retirer, sinon ils vont me tirer dessus. » Et donc, il s'est retiré, ce qui fait que le capitaine d'avril, Salgueiro Maia, a pu remonter jusqu'au quartel du Carmo, où était Marcelo Caetano, avec le président, on va dire. Oui, enfin, le premier ministre de l'époque, et à ce moment-là, ils l'ont encerclé et ils voulaient l'arrêter, et à ce moment-là, Marcelo Caetano, il a dit, moi je veux bien me retirer, vous m'envoyez où vous voulez. Il voulait l'envoyer, le mettre dans un avion et l'envoyer au Brésil, comme ça, il n'y avait pas de sang coulé, et il a dit, moi je donne le pouvoir si le général Spinola le veut. Et donc ils ont été amenés le général Spinola. Le général Spinola a pris le pouvoir et ils ont conduit Marcelo Caetano à l'aéroport. Il est parti et à ce moment-là, pendant qu'ils entouraient ce lieu-là, c'était le mouvement des forces armées, voilà. Quoi. C'était un quartier militaire, enfin c'était un, c'était les militaires qui étaient là. Pendant qu'ils faisaient ça, le peuple a commencé à descendre dans la rue. Parce qu'à la radio, parce qu'ils avaient déjà occupé les radios. Hein, les radios étaient occupées, la télévision était occupée. Et il y avait à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais il y avait les informations qui étaient transmises à la radio et à la télévision. Et les gens étaient au courant qu'on veut faire un coup d'État pacifique, on veut terminer avec ce régime, mais on veut pas, nous, rester au pouvoir. Ça, ils l'ont déjà précisé dès le début. Les militaires ? Non, le mouvement des capitaines. Le mouvement des forces armées, mais bon, c'est des militaires, quoi. C'était des capitaines, oui. Des capitaines et des officiers, okay. C'était des capitaines et des officiers de l'armée. Donc, ils ont précisé que... Qu'ils ne voulaient pas le pouvoir, c'est ça. Donc, ce qui fait que quand ils sont... qu'est-ce qu'on va faire avec Spinola ? Alors, sinon, on se perd. Voilà, ils ont expliqué qu'ils ne voulaient pas prendre le pouvoir. C'est Adelino Gomez, journaliste à la radio, oui. D'ailleurs, qui est passé sur Arte, qui explique... Qu'ils ont réussi à prendre les commandes des médias, quoi. Enfin, évidemment, on est dans les années 68-70, là. Et donc, enfin non, la révolution, elle commence le 25 avril. Ça dure, genre, de minuit jusqu'à... Ça dure une journée, quoi, en gros. Enfin, le gros dure une journée, oui. C'est ça qui est dingue, quoi. Et donc, Adelino Gomez, journaliste à la radio... Il raconte quoi, comment ils ont pris le pouvoir du média, quoi, des médias. Enfin, c'était pas comme, c'est ça que je disais, c'était pas comme aujourd'hui où il y a plein de médias. Là, c'était la radio de l'État, quoi. C'était Radio Renaissance. C'était pas la radio de l'État. C'était Radio comment ? Renaissance. C'était une qui appartenait à l'Église catholique. C'est la même chose, hein. Enfin, je veux dire, c'était pas la radio officielle. Officielle. Mais enfin, c'était une des radios officielles. Ah bah oui, parce que si j'ai compris, c'était la radio pour pas que comment dire que. Ouais, non, moi j'ai compris que c'était une radio d'État, quoi, parce que justement pour annoncer aux gens qu'il allait se passer quelque chose. Et en tout cas, ils passaient la Grande Dola Villa Morena à minuit, minuit et 20 secondes. C'est-à-dire minuit, c'était le signal pour que Salguero Maya sorte de Santarém avec ses troupes. Il n'en avait pas lui beaucoup. C'était un capitaine d'avril. C'était le capitaine d'avril, celui qui est descendu sur Lisbonne et qui a occupé la zone où se trouvait le Marcel Caetano. Donc c'était lui. Et donc Salguero Maya, il était un capitaine d'avril des premiers. Des premiers quoi, à l'origine. Des premiers de ceux qui étaient à l'origine du mouvement. Ok. De ceux qui étaient. Quand on cite les noms, des fois, on se perd. Hein, du coup, c'est toujours bien de dire qui est cette personne. Il est assez connu. Maintenant, il est assez connu. Sûrement pour toi et pour les gens qui connaissent. Il y a eu plusieurs films là-dessus. Enfin, c'est sûr que bon. Parce que ce qui est intéressant, c'est pour les gens qui savent pas, comme moi d'ailleurs. Moi, je me suis renseignée grossièrement, on va dire. Mais c'est une révolution qui s'est faite, je le répète, sans cris, sans sang, sans mort. L'armée arrive. Je crois que les gens étaient conviés à rester chez eux. Et puis, ils n'ont pas obéi. Ils sont arrivés quand même sur la place en même temps que l'armée, quoi. Et les choses se sont passées gentiment. Les choses se sont passées gentiment. Le pouvoir a cédé la place, quoi. On va dire ça comme donc, ça. C'était deux facteurs importants. D'un côté, l'armée qui ne s'est pas opposée, et d'un autre côté, le peuple qui a soutenu les capitaines d'avril. Donc, avec ces deux facteurs-là, on a pu faire une révolution sans qu'il y ait du sang. L'ancien pouvoir a été évacué, et bon. Ce qu'il y a, c'est que les anciens policiers, enfin les anciens, la police secrète, il y en a beaucoup qui ont disparu dans la nature. On a pu arrêter quelques-uns, mais la plupart ont disparu dans la nature. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis ça ? Police la police politique, celle qui terrorisait, torturait. Ils ont disparu dans la nature, c'est-à-dire ils se sont enfuis. On les a plus vus et puis on a arrêté quelques-uns, effectivement, parce que les gens les ont reconnus dans la rue. Ils se sont précipités sur eux, ils ont failli les étriper. Et puis enfin, et à ce moment-là, l'armée est intervenue pour les prendre et les mettre en prison. Mais il n'y en a que quelques-uns. Ouais. Mais c'est dingue quand même. Hein. Comment t'expliques, toi, qu'il n'y ait pas de violence, que ça n'a pas explosé Moi, je pense que c'était l'atmosphère qui a régné dans la rue. C'est-à-dire les gens étaient tellement contents. Quand on leur a dit « on va se débarrasser de ces régimes », enfin, les gens, le commun des gens, parce qu'il y a des gens qui supportaient le régime, mais ceux-là ne se sont pas exprimés. Mais les gens, la plupart des gens, ils ont senti que vraiment, il y avait la fin d'une époque et qu'ils pouvaient s'exprimer, ils pouvaient descendre dans la rue. Avant, personne ne pouvait descendre dans la rue. Ils pouvaient descendre dans la rue, crier des slogans, etc. Enfin, ils ont ce sentiment de liberté qui a permis qu'il n'y ait pas de meurtre, qu'il n'y ait pas de choses, qu'il n'y ait pas de... Oui, mais je veux dire, il y a d'autres révolutions. On voit que les gens sont dans la rue, sont super contents, et pourtant, ça part au massacre, quoi. Peut-être ce qu'il y a, c'est que là, il y a l'armée, donc ce mouvement des forces armées qui est avec le peuple, quoi. C'est ça aussi, peut-être. Et qui a permis aussi de pacifier un peu quand il y avait des excès, etc. Ça a permis de pacifier les choses, comme je vous ai dit tout à l'heure. Les personnes de la police secrète n'ont pas été tuées, hein, parce que les gens, ils voulaient les tuer sur place, parce que tout le monde avait des... Donc, ils n'ont pas été tués, ils ont été mis en prison. Donc, ça, c'était grâce à l'armée aussi qu'il n'y a pas eu de... Le règlement de compte, quoi, parce qu'il y a... Une fois qu'il y a... donc le pouvoir est cédé, quoi. Le pouvoir fascisme est hop, en dehors. Ça y est, on libère 30 000 prisonniers, quoi. Donc il y avait beaucoup de prisonniers. Ça, c'est quelques jours après. Les gens spontanément sont descendus sur la prison de Caxias, qui était la prison la plus proche de Lisbonne. C'est à une vingtaine de kilomètres de Lisbonne. Ils sont descendus et ils ont fait ouvrir les portes de la prison. C'est-à-dire que les gardiens de prison ont eu tellement peur de toute cette masse qu'ils ont ouvert et les gens ont commencé à sortir. Et les autres prisons ont suivi. Parce que les deux grandes prisons, c'était celle-là et Péniche. Péniche ont été les prisonniers les plus considérés, les plus dangereux politiquement, parce que c'était comme une presqu'île dans la mer, d'où il était très, très difficile de s'enfuir. Et quoi ? Et du coup, parce que toi, tu as vécu, tu es arrivé là, oui. pas le 25 avril 1974, et quoi ? Qu'est-ce que tu as ? Donc, tu as vécu la chose en ligne directe. J'ai vécu toutes ces manifestations et j'ai surtout vécu le 1er mai. Parce que quelques jours après, c'était le 1er mai. Et c'était le 1er mai qui a été fêté dans la liberté. Donc il n'y avait pas... Bon, il faut dire qu'on débarquait le parti Mario Soares, qui était du Parti Socialiste, qui ont débarqué. Alvaro Cunhal, qui était du Parti Communiste, qui étaient les deux grandes figures exilées. On ne parlerait pas d'autres, mais ça, c'était les deux grandes figures exilées. Et ceux-là ont commencé à constituer, à rassembler autour d'eux leurs partisans. Et pour la première fois, bon, le 1er mai a été un 1er mai unitaire. Il n'y avait pas de parti politique, il n'y avait même pas d'organisation. Il y avait un début d'organisation syndicale, mais... C'était pas encore... Donc c'était rien que les gens eux-mêmes spontanément qui descendaient dans la rue. Il y avait plus d'un million de personnes. C'est ça qui doit être incroyable, parce qu'il y avait... Il y avait beaucoup d'autogestion, les gens faisaient grève, moi j'ai entendu une épuration économique, quoi, par rapport à tout ce qui s'est déroulé sous le fascisme. Ça, c'était... donc après, il y a eu la constitution de la junte nationale avec Spinola. Oui. Et sous cette junte, les gens ont commencé à occuper les terres d'un côté, c'était le début de la réforme agraire, et d'un autre côté à occuper les grosses usines qui appartenaient à des grands groupes économiques. Les banques, ça viendra après, parce qu'après, il y a eu la nationalisation des banques. Mais les banques, ça viendra après. Mais ça, c'était déjà une semaine, 10 jours après le... Oui, mais toi qui as vécu, je le répète, hein, le 25 avril, enfin, pas juste après, c'était pas qu'une histoire de banque ou une histoire... Je veux dire, t'as vraiment vu les gens dans la rue se parler, être contents, je sais pas, moi, créer... Des réunions, on se parle enfin, on se dit les choses, parce que tu me parles à un niveau... oui, les banques, mais quoi, ces gens ont galéré, ont vécu sous le fascisme, quoi, et là, d'un coup, il y a quelque chose qui se passe, quoi. Qu'est-ce que tu as à nous dire de ce moment-là, de quoi tu te rappelles, quoi? Oui, le sentiment des gens. Moi, ce que je me rappelle, c'est le sentiment de gens, le sentiment de liberté qu'avaient les gens. Parce que les gens, ils ont commencé à vivre autrement que ce qu'ils vivaient avant. C'est-à-dire, ils pouvaient s'exprimer, ils pouvaient sortir quand ils voulaient, ils se parlaient les uns les autres, sans aucune contrainte. Hein. Parce que je suis d'accord avec toi de ce que tu dis, hein, mais je veux dire, toi, tu n'étais pas là sous le fascisme. Hein. Toi, tu es arrivé après. Oui. Mais c'est quoi? C'est ce qu'ils te racontaient, quoi. Oui. Avant, on ne pouvait pas parler, avant... Voilà, exactement. Exactement. Oui. C'est tout ce que... Non, je veux dire, les gens, ils racontaient ça. Mais ils ne le racontaient pas seulement, ils l'exprimaient. Ils l'exprimaient en sortant dans la rue, en participant à des manifestations, etc. Parce qu'après, il y a eu toute une série de manifestations, je dirais, sur différents thèmes. Hein. Il y a eu la manifestation... Bon, il y a eu les agriculteurs qui ont manifesté. Après, il y a eu les agriculteurs, enfin, les travailleurs agricoles qui ont manifesté. Après, on commençait les manifestations pour constituer des syndicats. Hein. Après, il y a eu les manifestations, et puis il y a eu les comités de quartier. Les gens ont commencé à constituer des comités de quartier, parce qu'il fallait organiser un peu la vie de quartier, etc. Il y avait de l'autogestion, puisque donc, de 74 à 76, le pouvoir est vacillant, quoi. Il n'y a pas encore... Mais je veux dire, évidemment, comment je l'appellerais, moi ? L'élite politique va arriver, évidemment, pour s'insérer dans tout ce bazar. Mais sinon, le peuple, quoi, les gens de la rue s'auto-organisent, quoi. Voilà. Et ça devait être un vent. Il y a eu aussi des... Ça devait être un vent de liberté incroyable, quoi. Parce que... Non. Oui. T'as pas l'air de... Il y a eu des occupations de maisons, par exemple, par les gens. Hein, des occupations. Il y a eu beaucoup d'occupations de maisons à Lisbonne. Des maisons qui étaient vides, qui appartenaient à des gens qui, soit qui étaient partis, soit qui habitaient ailleurs. Ouais. Oui, oui. Ça, c'était assez impressionnant. Ok, mais ça te fait pas d'autres souvenirs, quoi. T'as pas une anecdote à nous raconter Un truc qui t'a marqué, je sais pas, non, quand on est au cœur comme ça de... Moi, ce qui m'a marqué, c'est le 1er mai. Vraiment, ça, c'était assez... c'était parce que c'était la plus grande... Il n'y a jamais plus eu une manifestation comme celle-là. Parce que des manifestations après ont été organisées. Mais ça, c'était vraiment la première manifestation spontanée. Où les gens... Tous les gens, vraiment tous les gens, voilà, sont ensemble. Voilà, ils venaient avec leur pique-nique, ils s'asseyaient par terre, ils bavardaient. Les gens se parlaient les uns les autres sans se connaître. Chacun racontait un peu sa petite histoire, où est-ce qu'il était le jour du 25 avril, et qu'est-ce qu'il faisait avant. Et puis les gens commençaient à rêver, hein, à rêver d'une vie meilleure, à rêver de pouvoir faire un certain nombre de choses. Surtout les jeunes, ils commençaient aussi parce que aussi au niveau de... Comme il n'y avait plus de... Ils ont ouvert les universités, c'est-à-dire les gens qui n'avaient jamais eu accès à l'université pouvaient, moyennant un certain nombre d'examens, entrer dans l'université. Donc, pour la première fois, moi, à l'époque, j'étais à l'université, pour la première fois, on a vu des gens arriver de l'autre côté du Tage, c'est-à-dire des quartiers ouvriers, des fils d'ouvriers, qui n'ont jamais pu accéder à l'université parce qu'ils devaient payer. Les universités étaient payantes. Et là, Et là, c'était les universités gratuites. Bon, ça n'a pas duré longtemps, mais... Bah, on y revient aujourd'hui, hein. La scolarité payante. Voilà. Aujourd'hui. C'était l'époque où, voilà, ils ont levé tous les obstacles. Oui. Oui, en tout cas, moi, ce que je comprends, c'est que pendant 2 ans comme ça, évidemment, le peuple, moi, les gens, attends, parce que sinon, les gens devaient être dans une émulation, oui, dans le rêve. Vous imaginez, quoi, l'État tombe, le président fasciste, enfin, c'est pas le président comme on a dit, mais c'est la même chose, quoi, en gros, tombe, quoi, c'est fini, ça s'arrête, quoi. J'imagine que les gens devaient, oui. Après, il y a la réalité, après, il y a le réel qui réapparaît, les élections qui se mettent en place, et puis c'est ça. Moi, j'ai pas spécialement envie de rentrer dans les noms et dans les bagarres, mais j'imagine que toutes les élites viennent et commencent à faire leur show pour qui va voter pour qui. Et en gros, eh bien, c'est le Parti socialiste qui gagne. Et bah, évidemment, il faut se replonger aussi un peu dans ce Parti socialiste de ces années-là, où le Parti socialiste, pour certains gens, il croyait vraiment au socialisme. Et puis là, il y a eu, comme on sait, quoi, l'histoire du Parti socialiste qui n'a pas, comment on dit. C'est-à-dire, il y a eu un gros problème là, parce que dans cette période-là, bon, il y a eu la période Vasco Gonçalves qui était le premier ministre, le premier ministre après la révolution, bah, qui était très proche du Parti communiste. Hein. Et tout le monde a eu peur en Europe, et y compris au Portugal, de l'influence de la Russie. Enfin, à l'époque, l'Union soviétique. Le Parti communiste était le seul qui était vraiment organisé, qui avait des bases, qui avait des gens, qui avait des militants. Le Parti socialiste avait des membres, mais je veux dire, il n'était pas organisé sur place. Il n'était pas organisé comme le Parti communiste, voilà, avec toute son histoire, c'est ça, hein. Avec des cellules, avec des militants, avec des gens qui pouvaient être mobilisés pour faire ceci et cela. Donc, ils ont eu peur de l'influence de la Russie. Quand tu dis « ils », c'est qui ? Tout le monde. Une partie de la population portugaise qui ne sympathisait pas avec le communisme, disons les 3/4. Oui, ça veut dire qu'eux, ils font référence au communisme de Staline. Hein. Après, on peut se poser la question, est-ce que c'était du communisme ? Il ne faut pas oublier que le Parti communiste était et continue à être, hein, un parti stalinien. Hein. À l'époque, il l'était encore, plus que jamais. Oui, mais... Stalinien, je veux dire, avec l'idéologie stalinienne. Oui, mais c'est quoi, avec l'idée, enfin, moi je dis que c'est plus du communisme, vous voyez, c'est ça qui voilà. Mais on va pas plancher là-dessus, mais on continue. Donc c'est le Parti socialiste qui se met au pouvoir parce qu'il est les gens comme tu dis, oui, j'avais entendu ça, le peuple n'a pas voté pour le Parti communiste qui était plus organisé, plus ancré, plus réel, on va dire. Ils ont choisi le Parti socialiste. Oui, le Parti socialiste est un parti qui était appuyé en particulier par l'Allemagne, puisque Mario Soares était en Allemagne, par la France et par d'autres pays européens. Et les gens, ils ont fait le poids entre les deux idéologies. Ils ont choisi une idéologie par rapport à l'autre. Et en choisissant cette idéologie, il est évident qu'ils ont laissé tomber un certain nombre d'acquis de la Révolution. Enfin, d'acquis, je veux dire, par exemple, la réforme agraire a connu un recul, les occupations des... Mais quand tu dis, ça veut dire quoi, quand tu dis la réforme agraire a connu un recul ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, à l'époque, le parti... Ça, je connais bien parce que j'ai fait ma thèse là-dessus, sur la réforme agraire. À l'époque, le Parti communiste, qui contrôlait toute cette zone de l'intège, où traditionnellement, enfin, il y avait les anarchistes et les communistes, mais c'était surtout les communistes qui contrôlaient cette partie puisqu'ils avaient beaucoup de travailleurs agricoles qui faisaient partie du Parti communiste. Et ils ont lancé ces occupations de terres et ils ont transformé les grandes propriétés latifondières en ce qu'on appelle UCP. C'est-à-dire, c'était des unités un peu comme des kolkhozes, comme les kolkhozes des pays de l'Est. Avec ça veut dire des endroits collectifs, c'est ça? Oui, avec la même structure. Ben, ils connaissaient bien, Alvaro Cunhal avait vécu en Tchécoslovaquie à l'époque. Et de qui tu as parlé là? Le chef du parti communiste, Alvaro Cunhal, il avait vécu dans les pays de l'Est, il a vécu en Tchécoslovaquie et il connaissait bien la Russie, enfin l'Union soviétique de l'époque. Et donc c'était ce modèle-là qu'ils ont transposé au Portugal. Avant la Révolution? Non, après l'occupation des terres, après le 25 avril. Ah ouais, là je comprends pas parce qu'on parle, on dit bien avant le 25 avril, c'est fasciste le système. Voilà. Je dis au moment du 25 avril, quelque temps après, il y a eu les occupations de terres. Et ces occupations de terres n'ont pas duré longtemps alors. On peut pas dire. Ces occupations de terres ont été lancées par ces travailleurs agricoles qui étaient plus politisés que d'autres et qui ont constitué, avec l'aide du Parti communiste, ces grandes unités type kolkhoz. D'accord. Et ça a duré un certain nombre d'années. Hein? C'est pas clair parce que ça s'est dissous petit à petit, hein? Parce que la réforme agraire est devenue officielle, il y a eu des lois là-dessus. Et ces lois ont limité à la fois la dimension de ces grandes propriétés, ils ont rendu une partie aux propriétaires et ils ont laissé une partie à ces unités. Et ces unités ont petit à petit n'avaient plus les moyens de fonctionner, elles n'avaient pas les machines, les semences, etc. Donc elles se sont dissolues d'elles-mêmes petit à petit. J'adore comme tu dis, d'elles-mêmes, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas été aidées, voilà. Qu'il n'y a pas eu une politique intéressante pour que ce système-là continue, voilà. On va dire ça comme ça. Voilà. Donc ça a été repris soit par des grandes sociétés, soit par les anciens propriétaires eux-mêmes. Il y a quelques-unes qui sont restées, il y a quelques coopératives et quelques unités, disons unités pour faire plus simple, quelques coopératives, parce qu'il n'y avait pas que les communistes, il y avait aussi les gens de gauche qui ont lancé plus à gauche que le Parti communiste, qui ont lancé aussi des occupations de terre, comme Torbella, etc., qui ont lancé... Et celles-là, elles ont duré plus longtemps, parce que c'était des militants, etc., et ils avaient des appuis un peu internationaux, etc. Et ceux-là ont duré un peu plus longtemps. Et les autres ont disparu petit à petit. Voilà. On comprend bien. Mais du coup, quand tu parles, parce que je t'avais posé... Mais c'est, tu parles de quelle réforme agraire, tu dis? Parce que la réforme agraire, après du temps du Parti socialiste, ils ont des lois sont sorties pour qu'ils ont appelé les lois sur la réforme agraire. C'est-à-dire qu'ils ont pris une partie, ils ont limité les latifundiums à un certain nombre d'hectares. Et ils ont dit le reste des hectares, ça va en partie être distribué à des travailleurs et en partie ça va rester à ces unités collectives. Seulement que, comme je dis, les travailleurs n'avaient pas les moyens pour cultiver, donc rapidement ils ont vendu, ils se sont dégagés. Et les unités, certaines ont continué à travailler pendant quelques années, mais elles ont fini par avoir trop de difficultés. Et elles sont... Oui, mais c'est ce que tu viens de dire en gros, quand tu parles de réforme agraire. C'est-à-dire, ça veut dire que les lois qui ont été votées ont tout simplement limité un peu la taille de la propriété. Des propriétés existantes, des latifundiums existants. Mais l'autre partie, après, a été reprise par des grandes sociétés, mais des années après. Bon, on a parlé des terres, là. On a parlé du Premier ministre Mario Soares, qui est parti socialiste. Hein. Donc les gens croient, parce qu'ils veulent vraiment un autre monde, quoi, une autre société, plus socialisée. Bah, en fait, ils se font avoir, quoi. Voilà, moi, c'est comme ça que je... Enfin, c'est pas que moi qui le dis. Donc il y a un processus électoral qui se met en route, hein, pour que le PS arrive, évidemment... C'est pas les gens qui ont décidé ça. Vous voyez, je sais pas comment vous traduisez, vous. C'est l'élite, de nouveau, l'élite au-dessus là qui vient, qui propose des élections. Donc il y a 92% de gens qui votent, hein, et ils votent pour le Parti socialiste. Du coup, je suppose que vous parlez des premières élections. Oui, c'est les toutes premières après. Après la promulgation de la Constitution portugaise en 1975. Il y a eu différents partis qui se sont formés, hein, à part le Parti socialiste et le Parti communiste dont on a déjà parlé. Il y a eu le Parti libéral, hein, le Parti centriste libéral, le PSD, et il y a eu un parti de droite, conservateur, hein, qu'on a houspillé au début, hein, parce que personne n'en voulait, parce qu'ils disaient qu'ils étaient proches de l'ancien régime, c'est-à-dire du régime fasciste, etc. De toute façon, je crois qu'on a parlé de l'essentiel pour les élections, hein, puisqu'on a parlé du Parti communiste, donc on essayait de comprendre. Il y a des gens qui ont voté aussi pour ces partis. Sûrement, oui. Voilà. Donc le Parti socialiste a gagné, mais les autres partis, parce qu'après, ils vont faire le pouvoir va passer au Parti libéral. Et le Parti socialiste. Le Portugal va passer. Au Parti libéral. Et le Parti socialiste va s'allier à un certain moment avec ce Parti libéral. Oui, comme on a vu ici. Donc, ça veut dire qu'une partie de la population a aussi voté pour ces partis-là. Tout le monde n'a pas voté pour le Parti socialiste. Oui, mais moi, j'aimerais bien. Après, c'est la grosse question du processus électoral qui a cassé. Enfin, moi, je le traduis comme ça. Vous savez, tout ce système d'élections, on dit que c'est la démocratie. Je veux dire, Hitler, il est aussi arrivé démocratiquement. Je veux dire, c'est tout ce système. Électif, quoi, qui amène des gens que les gens n'ont même pas choisi à la base, c'est des gens qui viennent comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça crée déjà plein de. Comment dire? Ça crée déjà une proposition politique qui est déconnectée de la réalité, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est. Enfin, moi, c'est vraiment mon avis, quoi. Ça donne cette impression que le processus électoral, il a cassé la révolution, quoi. On amène le PS, vous voyez, avec toute cette machinerie, quoi. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est-à-dire, comme j'ai dit, il y avait deux options. Soit la dictature du prolétariat, entre guillemets. Hein, c'est-à-dire quoi, ça, parce que... Ça veut dire le modèle soviétique. Envie de dire, du coup, je fais une petite parenthèse, quoi. Donc, la dictature du prolétariat, je fais une petite recherche, j'en avais déjà entendu parler, mais qu'est-ce que c'est exactement? C'est ça, le communisme? C'est la dictature du prolétariat? Non. La dictature du prolétariat, c'est un concept central du marxisme. Il désigne une phase transitoire de la société capitaliste avec la société communiste, quoi. Donc c'est une phase transitoire, c'est pas une manière de gouverner non-stop, quoi. Et quelque part, moi, sans avoir étudié la chose, bah oui, j'imagine que pour changer d'un système à l'autre, ça va pas se faire comme ça, en se brossant les dents gentiment devant son évier. Je sais pas pourquoi je dis ça, bah, je le dis, voilà. Donc c'est la dictature du prolétariat pour Nelly qui nous dit là. Donc il y a deux modèles, c'est soit la dictature du prolétariat, le modèle soviétique. Et donc là on mélange déjà deux choses, parce que le modèle soviétique ce n'était pas du communisme. Enfin moi c'est ce que je comprends de l'histoire, hein, vraiment, avec des lectures aussi. Hein. C'est pas comme ça, je vous dis pas ça comme ça au doigt mouillé, quoi. Voilà, c'est à force de lire et d'essayer de comprendre. Bon, après, j'ai pas tout compris et j'ai pas tout lu. Mais moi, je crois que c'est ça, voilà. Le modèle soviétique, ce n'était pas du communisme. Et donc, j'imagine que là, maintenant, Nelly, quand elle me dit c'est la dictature du prolétariat, le modèle soviétique, ça veut dire que c'était la dictature... enfin... Elle mélange un concept communiste avec vraiment une dictature à long terme, quoi. Voilà, c'est ça qui est difficile à comprendre. Comme si le communisme était mort, quoi. Voilà, ou comme si c'était ça le communisme. Voilà, c'est compliqué. Soit le modèle européen démocratique avec des partis politiques et gagne. Le parti qui a été le plus voté. Je veux dire, entre ces deux systèmes... Vous n'imaginez rien d'autre, vous. Entre ces deux systèmes, le peuple portugais a voté. À l'époque, il y avait ces deux options, il n'y en avait pas une troisième. Ben moi, je vais vous donner une troisième. La troisième, c'est de ne pas voter pour des gens qui sont déconnectés, même de la révolution, quoi, je dirais. C'est parce que, enfin, moi, je suis étonnée, vous avez vécu après le 25 avril, vous êtes arrivée, vous n'avez pas plus de choses. Je veux dire, ça devait être l'émulation de parler, les gens se parlaient, les gens rêvaient d'un autre monde. Il y avait les comités de quartier, comme vous disiez, il y avait l'auto-organisation, c'était la révolution. Et puis, on amène toute l'appareil pour faire des élections, et puis voilà, ça part. Vous voyez pas le truc un peu bizarre? Je veux dire, il y a l'autogestion aussi. Les gens se prennent en main, ils n'ont pas besoin d'élire des hommes qui... Là, on parle d'hommes d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de femmes. Je dis bien que vous n'avez pas géré un pays, hein, parce que, ni géré une entreprise. Parce que vous ne vous imaginez pas ce que c'est gérer une entreprise. Moi, je suis contre l'entreprise. Je suis contre l'entreprise et contre la nation. Gérer bon, une entreprise ou une unité collective ou une coopérative. Hein, et vous ne pouvez pas mettre quelqu'un pour gérer une coopérative ou une unité collective ou n'importe quoi s'il ne sait pas lire et écrire, s'il ne connaît pas un minimum de comptabilité, s'il n'a pas fait un minimum d'études, etc. Vous rigolez, je veux dire, attendez. Et à ce moment-là, au Portugal, il y avait un pourcentage d'analphabètes que vous ne pouvez pas imaginer. Mais quoi, vous croyez que les gens, avant de savoir écrire et lire, ils appuyaient sur un bouton pour manger? Non, ce que je veux dire, c'est que... Et vous avez fait... c'est votre expérience de... Vous m'avez dit que vous faisiez du développement agraire, quoi. Vous croyez qu'avant qu'on amène les machines aux gens, les gens ne cultivaient pas la terre, ne savaient pas comment il fallait faire pour se nourrir? Oui, mais les gens, ils ont compris qu'avec les machines, ils se nourrissaient mieux que sans les machines. Hein. C'est pas les agriculteurs eux-mêmes. Ils se sont fait, ils se sont fait avoir par les machines. Regardez, aujourd'hui, on en est avec ces machines. Je veux dire, après... Je ne vois pas, si vous voulez revenir aux bêtes tirées par... On dirait Macron qui parle. Si vous voulez revenir à Amish, les Amish et la bougie, c'est ça? Voilà, vous voulez revenir à ça. Bon, il y a des gens qui veulent bien revenir à ça, oui. Attends, vous avez vu dans quel monde on vit aujourd'hui? Mais la plupart des gens ne veulent pas revenir à ce monde-là. Mais la plupart des gens vivent encore avec des bougies dans le... Enfin, vous avez voyagé, je veux dire, vous... La plupart des gens travaillent encore leur terre avec des outils raisonnables, on va dire. Je veux dire, c'est nous qui sommes complètement fêlés. C'est-à-dire, en Europe, moi, quand je suis arrivée au Portugal, il y avait encore des gens qui travaillaient avec les bêtes et avec la charrue. Et alors ? Ben, aujourd'hui, heureusement qu'ils ne font plus ça, parce que c'était, vous imaginez pas la pénibilité de ce travail. Hein, et par rapport à cultiver avec une machine ou avec un tracteur. Bon, essayez quand même de voir comment vous en sortez. Il y a l'économie de subsistance, une économie où vous vous nourrissez pour vous-même, et puis l'économie où on importe et on exporte avec des outils, comme vous dites, modernes, incroyables. Regardez, vous qui avez étudié, je le répète, l'économie, c'est même pas l'économie, le développement agraire, regardez aujourd'hui notre économie... agraire, dans quel état elle est, quoi. Il y a des peuples qui se nourrissent, qui crevent, qui ont faim et qui doivent exporter leur bouffe. C'est fou. Vous n'avez pas envie de me parler, mais de toute façon, il ne reste plus de temps. Enfin, je peux vous... On n'a plus de temps, on n'a plus de temps. Je peux vous expliquer mon point de vue là-dessus, parce que justement, j'ai travaillé sur cette question-là, parce que je ne pense pas vous opposer les deux extrêmes. Évidemment. Mais c'est pour vous faire un peu réagir, parce que vous avez l'air de dire la réforme agraire égale modernité, égale... Oh, vous savez, mais c'est toujours les mêmes discours qu'on entend. Il faut changer de logiciel, quoi. Il faut parler autrement quand on parle de l'agriculture, je trouve, aujourd'hui. Mais de toute façon, le sujet est terminé. Mais donc la révolution, elle est à refaire, quoi. Je ne pense pas qu'il y aura une prochaine révolution en Europe. Ça va être très difficile. Ça va être très difficile. On est sur d'autres mécanismes. Mais enfin, et la révolution peut venir d'ailleurs aussi. On ne sait jamais. Moi, j'espère qu'en Europe, ça va se bouger. On ne sait pas dire hein, pourquoi, à un moment donné, ça part dans la rue. On n'a pas la maîtrise de ça, en fait. Hein. Oui, enfin, on peut descendre dans la rue, manifester, etc., mais ça ne veut pas dire que c'est... Je parle d'une révolution. Hein. Je veux dire, les manifs, on en connaît plein. Je ne sais pas combien par année il y a de manifestations. Non, je parle vraiment aussi d'une révolution. On ne sait pas le dire. Bon, ben merci à vous, hein, à toi, Nelly Jazra. Merci à Radio Campus pour m'avoir invité à cette entrevue. Et j'espère que ça a éclairé un peu les personnes qui nous écoutent sur ce qu'a été la révolution des œillets. De toute façon, il y a des films et des livres à lire hein, là-dessus. Mais oui, donc c'est une révolution sans mort, sans sang, sans extra-violence, quoi. C'est incroyable.